Alors je remercie la municipalité et la commune de Plozévette de m'avoir invité à parler devant vous ce soir. Et je dirais que je suis un petit peu ému parce que dans mon imaginaire de Haute-Bretagne, le pays Bigoudin a toujours été quelque chose d'important. Après avoir découvert évidemment Jacques Ézélias, et puis depuis maintenant 17 ans, je travaille dans le Finistère. Je travaille à Brest, donc plutôt du côté des Léonards. Je sais bien toutes les tensions qu'il y a pu y avoir entre les Cornouaillais et les Léonards, mais je me sens vraiment totalement breton. Et Bernard Paillard vous l'a dit, mon champ de recherche, depuis une trentaine d'années maintenant, est consacré à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de plus en plus à l'histoire politique de la Bretagne de 1914 à nos jours. Et je travaille beaucoup maintenant sur les années 60. Nous avons organisé, par exemple, l'an dernier à Rennes, un colloque sur les années 68 en Bretagne. On a eu d'ailleurs une communication d'un jeune chercheur sociologue qui s'appelle politiste, qui s'appelle Gilles Simon, qui a travaillé notamment sur Plogoff. Vous connaissez sans doute son livre. Donc mon champ de recherche de ce point de vue-là est assez vaste. Alors, on m'a demandé de parler de la résistance en Bretagne, résistance des Bretons. Naturellement, je vais me consacrer à ce sujet. Je ne vais pas insister sur les autres dimensions de la période, les différents aspects du régime de Vichy, de l'occupation allemande. Hein, ce n'est pas le thème de mon propos, mais évidemment, il faudra avoir un petit peu en mémoire, et je le ferai de temps en temps, ces éléments pour comprendre les conditions de l'engagement d'un certain nombre d'habitants de cette région et d'engagement, je dirais, à la fois précoce et aussi massif, finalement, étant entendu que la résistance reste un phénomène ultra minoritaire jusqu'au bout. Mais je vais essayer, à travers ma présentation, d'éclairer cette analyse d'une résistance, je dirais, stricto sensu, avec les approches renouvelées des historiens de ces dernières années, puisque, et j'y ai contribué avec d'autres collègues de différentes universités françaises, nous avons remis un peu en chantier dans les années 90 cette histoire de la résistance pour sortir d'une vision souvent un peu héroïsée. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour mettre en cause l'engagement et l'action qui a pu être menée par ces hommes et par ces femmes, mais pour essayer de remettre un peu en contexte historique et remettre en cause peut-être une vision parfois un peu mythifiée qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale. Et notamment l'idée que, finalement, tout le monde menait le même combat, que la résistance française était unie, etc. La réalité historique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile que cela. Et notamment, ces dernières années, avec des travaux de mon collègue Pierre Laborie et de quelques autres, cette vision que les premiers historiens de la résistance française ont eue, consistant à dire, en gros, où on était ou résistant ou collabo, ou rien du tout, ou attentiste, si vous voulez, c'est en fait plus complexe que cela. Et plus on travaille sur ces questions, plus on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens ont pu être pendant un temps au moins pétinistes ou maréchalistes, et puis s'engager en résistance à partir d'un certain moment. Bon, il y a des cas connus, prenons le cas célèbre de François Mitterrand, bien connu. Mitterrand a été un vichiste convaincu, et il est devenu ensuite un authentique, un grand résistant. Donc toute la difficulté de l'histoire, de l'analyse de cette période, en remettant les choses en contexte et non pas aujourd'hui en essayant de schématiser et de simplifier, c'est de tenir compte un petit peu de toutes ces difficultés, de mettre en perspective chronologique et de tenir compte, je dirais, d'un certain nombre de facteurs, d'héritages, et notamment les héritages, je dirais, de culture politique, sont tout à fait essentiels. Et quand on regarde des cartes de résistance, même si ce n'est pas toujours aussi simple que cela, il est clair qu'un certain nombre de régions ou de pays de tradition de gauche ont pu s'engager plus précocement que d'autres. Hein. Donc voilà les approches que je vais essayer de mener ici, avec des exemples pris en Bretagne et plus particulièrement dans le Finistère, puisque le Finistère s'est illustré de nombreuses manières dans ce domaine, ce qui ne veut pas dire non plus oublier qu'il y ait eu un certain nombre de collaborationnistes, très peu nombreux en Bretagne. Hein, les collabos français, je ne vais pas parler de la question, mais je l'évacue tout de suite. Les partis collaborationnistes français, le PPF, le RNP, etc., n'ont jamais fait recette dans cette région. Il y a eu, ils ont été un petit peu plus nombreux, mais beaucoup moins qu'on l'a dit pendant longtemps. Il y a eu ces individus du PNB, du Parti National Breton, dont vous avez eu une illustration dans ce film pour ceux qui l'ont vu. Et souvent, c'est un petit peu masqué la réalité. C'est-à-dire qu'on a grossi l'engagement d'une poignée d'individus et du coup, on a masqué la réalité d'une région qui a été en réalité très rapidement, très précocement résistante. Et je vais vous le montrer. Donc, il faut quand même avoir cela en tête. Et il faut savoir aussi qu'une poignée de collabos ont pu jouer un rôle tout à fait dramatique en infiltrant des réseaux ou des mouvements de résistance, je prendrai quelques exemples, ou en cherchant à infiltrer des maquis lorsque ces maquis se sont constitués tardivement, d'ailleurs, en Bretagne, en 1944, pour des raisons d'ailleurs stratégiques sur lesquelles je reviendrai. Donc, pour ma part, j'ai commencé à travailler sur ces questions dans le cadre de ce qui s'appelait le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été créé par le grand historien Henri Michel, qui a jeté les fondements de l'étude historique de cette période. Puis ensuite, dans le cadre de l'Institut d'histoire du temps présent, qui était un laboratoire du CNRS. Et donc, je m'appuie aussi sur les travaux des collègues qui ont été menés dans cette région ou au niveau national pour aborder un petit peu tous ces aspects. Je ne vais pas vous donner beaucoup de références historiques d'ouvrages, mais s'il y a un livre, si vous voulez vraiment être un petit peu au courant des travaux les plus récents et de la mise en perspective de manière, je dirais, lisible de toutes ces recherches. Il y a eu, on a publié, c'est un travail collectif, en 2006 chez Robert Laffont, puisque nous sommes entourés de livres, nous sommes dans une médiathèque, donc un ouvrage qui s'appelle « Dictionnaire historique de la résistance », dirigé principalement par François Marcot, avec toute une équipe de collaborateurs. On était une vingtaine dans le comité scientifique. Il y a plus de 120 collaborateurs. Il y a des petites notices courtes qui font le point sur... Il y a des biographies sur les réseaux, les mouvements. Tout ça, ça se fait en une page et demie. Mais vraiment, il y a l'état des savoirs aujourd'hui pour ceux qui voudraient un petit peu approfondir les choses. Alors, aborder cette question de la résistance, je devrais dire des résistances, et d'abord des deux résistances. Parce que pendant très longtemps, et au moins jusqu'à la fin 41, ont existé une résistance intérieure française qui s'est mise en place et une résistance extérieure qui a eu des difficultés pendant longtemps à entrer en contact avec la résistance intérieure. Donc cette idée aussi de la résistance avec un R majuscule, ça, on peut commencer à l'utiliser à partir peut-être de 43 avec un centre de réserve, mais pendant très longtemps, ça a été des mouvements plus ou moins isolés, plus ou moins dispersés, avec des initiatives locales sur le terrain, je prendrai des exemples ici, et puis avec aussi l'envoi d'agents de la France libre ou d'agents travaillant pour les services britanniques, pour le SOI, le Special Operation Executive, qui est un mouvement d'action créé dès l'été 1940 par Winston Churchill pour mener la guerre subversive en Europe occupée. Et donc, ces agents vont essayer de recruter des réseaux en France et en Bretagne. Donc, tout le problème aussi, c'est celui de ce rapprochement et de cette unification de la résistance française qui s'est faite, vous le savez, notamment par le truchement de Jean Moulin à partir de 1942. Et la mise en place se fait en 1943 avec notamment la création du CNR, du Conseil national de la résistance, au mois de mai 1943. Alors, les questionnements, les points que je vais aborder avec vous sont les suivants. Quelques éléments sur l'entrée ou les entrées dans la résistance, comment se crée et se développe ces entrées en résistance, après avoir défini ce que l'on entend par résister, par la résistance, ce qu'il faut donner, je crois, des définitions un peu précises, parce que c'est un terme utilisé et parfois un peu galvaudé, donc j'essaierai de définir un petit peu ces éléments. Entrée en résistance, avec des exemples en Bretagne, le cas, bien sûr, de la résistance communiste, là aussi, je ferai la part des choses dans notre région, la question de l'organisation, comment se mettent en place les organisations de résistance, les réseaux, les mouvements, quelle est leur ampleur, leur implantation, leur fonctionnement, leur rôle, quels sont justement Cette question du passage au maquis, à partir de quand, avec des différences majeures selon les régions. Quelques éléments aussi peut-être sur la sociologie des résistants, qui étaient les résistants. Et j'aborderai le rôle de la résistance dans la libération, le rôle des FFI, des forces françaises de l'intérieur, sans évacuer des pages un peu sombres, un peu contestables ou contestées, la question notamment de l'épuration. Hein, je vous montrerai quelques cartes sur ce fameux problème des exécutions sommaires, hein, qui ont été nombreuses en Bretagne, pour essayer de faire le point sur ce problème. En disant aussi qu'un certain nombre de choses que nous croyions établies depuis longtemps sont aujourd'hui remises en question par les historiens. Parce que nous avons, les uns et les autres, et moi le premier, je l'ai enseigné pendant des années, nous avons accepté des chiffres qu'on n'avait jamais vérifiés et qui posent problème. Je vais vous donner un seul exemple. Prenez n'importe quel manuel d'histoire aujourd'hui du secondaire. Quand on vous donne le nombre du bilan de morts de la Seconde Guerre mondiale en France, on va vous dire 600 000 morts. Hein, et on vous donne des catégories, des rubriques. Aujourd'hui, en refaisant les calculs, on est aux alentours de 400 000. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chiffres ont été gonflés à la Libération ou après la Libération, dans les commissions d'évaluation des dommages de guerre, et personne n'avait pris le temps de vérifier. Deuxième exemple, la question des fusillés. Combien de fusillés en France? Eh bien, la réponse, je ne vais pas vous la donner ce soir, parce qu'elle est complexe, elle est compliquée. Pendant longtemps, vous savez bien qu'après la libération, le Parti communiste s'est présenté comme le parti des 75 000 fusillés. C'était un thème de propagande. Évidemment, les historiens avaient fortement diminué les chiffres et de toute façon, tous les fusillés, même s'ils étaient nombreux, n'étaient pas communistes. On était tombé autour de 25 000 fusillés. Aujourd'hui, si nous prenons le nombre de fusillés, alors il faut s'entendre sur les chiffres et la définition. Si nous prenons les fusillés à la suite d'une condamnation à mort devant un tribunal militaire allemand, nous sommes aujourd'hui à moins de 3 000 fusillés. Et je dis ça parce que je suis dans le conseil scientifique du Métron. Enfin, on est en train de publier un dictionnaire biographique nominal des fusillés. Et donc, on en est en dessous de 3 000 aujourd'hui. Ceci dit, le nombre de victimes est beaucoup plus nombreux que ça quand même, parce qu'il y a tous les gens qui vont être notamment exécutés sans jugement, comme otages ou sur le bord d'une route à la libération. Donc c'est surtout en 43 et 44 qu'il y en a eu évidemment le plus. Et là, on n'a pas de statistiques fiables dans l'état actuel des choses. Vous voyez, pour vous donner une idée, pour la question des fusillés après jugement, le Finistère, qui est un département qui a eu beaucoup de victimes, j'ai fait vérifier le travail par deux étudiants les années récentes, ils sont arrivés à une liste vérifiée de 131 fusillés condamnés à mort et donc passés devant un tribunal et exécutés par les Allemands. Ce qui, encore une fois, ne tient pas compte de tous ceux qui ont été tués en 44 au moment du repli des troupes allemandes, etc. Un travail qu'il faudra faire un jour, mais qui n'a pas été fait. Donc c'est pour vous montrer la difficulté, encore aujourd'hui, d'approcher les choses de très près. Alors, premier point, la question des conditions de naissance de la résistance, des débuts de la résistance, en Bretagne principalement, de l'entrée en résistance. Pendant longtemps aussi, on a un petit peu négligé cet aspect. On ne savait pas très bien comment les choses s'étaient passées et on essayait de voir un petit peu les premiers groupes, etc. etc. Le processus est, si vous voulez, pour qualifier les choses de la manière suivante, on parlait souvent de résistance spontanée. D'action comme ça, arracher une affiche, couper une ligne téléphonique. Alors ça, on a fait des travaux. On a les chiffres pour la Bretagne, je pourrais vous les donner tout à l'heure. On sait que, selon les départements, en 40-41, on est entre 15 et 25 sabotages de lignes téléphoniques coupées par de la population. On ne sait pas qui. Je dirais heureusement, parce que si on l'avait su, ça signifiait que les gens avaient été arrêtés ou par les gendarmes français ou par les Allemands. Donc, au départ, on peut parler de résistance, je dirais, pré-organisationnelle, des gens qui, un peu spontanément, réagissent et font un acte, posent un acte, comme on disait à une certaine époque, c'est un terme qui est très à la mode, ou parfois, on peut parler aussi de résistance à organisationnelle, c'est-à-dire des individus qui commettent un sabotage, mais qui ensuite n'éprouveront pas obligatoirement le besoin d'entrer dans une organisation structurée. Alors, ce qui m'amène à essayer de définir ce que recouvre le terme de résistance, résister. Bon, résister, d'abord, premier élément, on n'est pas résistant dans sa tête. Résister, c'est agir. La résistance, c'est d'abord une action. Mais ça ne suffit pas non plus pour définir le terme en question. Exemple, est-ce que écouter la BBC, c'est résister ? Eh bien, officiellement, écouter la radio anglaise, c'est interdit par les Allemands. Donc, on pourrait, et pendant longtemps, on a considéré qu'écouter la BBC, c'était une forme de résistance. Ça se discute. On pouvait très bien être maréchaliste, partisan de la Révolution nationale, et on a le cas de pas mal de grands notables en Bretagne qui étaient acquis au maréchal Pétain, et en même temps être anti-allemand et avoir envie de savoir ce qui se passait, comme on a compris très vite que la radio française était absolument contrôlée par les Allemands, était une propagande que les gens n'acceptaient pas et dans laquelle la population n'avait absolument pas confiance. On allait écouter les émissions en français de la BBC. Ça ne signifiait pas pour autant qu'on était prêt à passer à l'acte et à devenir résistant. Donc, vous voyez, ce genre d'action, ce genre d'attitude, si vous voulez, ne signifie pas obligatoirement être résistant. Donc, premier élément, il y a cette nécessité, effectivement, d'agir. Mais si l'on prend les autres critères, il faut aussi distinguer la résistance de l'acte de la conscience de résister. Et le fait d'agir consciemment pour différentes raisons, soit différentes valeurs, soit par antifascisme, soit contre l'occupant allemand, soit aussi pour d'autres familles politiques, et notamment pour les gens venant à droite, et ce n'est pas exclusif d'ailleurs des gens de gauche, pour des raisons patriotiques, ça veut dire qu'on agit parce qu'on a son objectif. Et évidemment, l'objectif premier de tout résistant, c'est de libérer le pays, de jeter l'occupant dehors et donc de se donner les moyens d'y parvenir. Donc cette question de la conscience de résister est aussi importante. Et on donne quelques exemples, pas dans notre région, je dirais, je vous rassure, mais il y a quelques cas très rares, rarissimes, où dans certains endroits, il y a au moins un cas à Toulouse et il y a quelques cas à Marseille, où les organisations de résistance ont tout simplement payé des tueurs pour abattre soit des collaborationnistes dangereux, soit des officiers allemands. Est-ce que cet individu de la pègre ayant un contrat, même si c'est pour une bonne cause, est-ce qu'on peut le considérer comme étant un résistant ? Je vous pose la question. Donc vous voyez, il y a cette question de cette prise de conscience qui est fondamentale. Et donc la forme de l'action ne donne pas le sens de l'action que l'on va commettre. Encore une fois, on peut très bien couper des fils téléphoniques parce qu'on n'aime pas les Allemands sans qu'on ait vraiment conscience de ce que ça signifie. La résistance, c'est aussi donc cette volonté, cet engagement volontaire. Et ce qui distingue des résistants d'une armée classique, c'est le fait que nous ayons affaire à des gens qui s'engagent volontairement dans le combat pour la libération du pays et aussi, pour les plus clairvoyants, dès le début des 40, pour renverser le régime de Vichy, au nom justement des défenses de la défense des valeurs républicaines. Mais pour un certain nombre d'autres résistants, on pourrait être durablement pétiniste ou maréchaliste, trouver que la révolution nationale lancée par le régime de Vichy, c'est pas si mal que ça. Et notamment dans les milieux de droite et d'extrême droite, nous avons un certain nombre de résistants, de très grands résistants, qui entrent en lutte très tôt contre l'occupant, mais qui sont favorables pendant un temps à la politique antisémite, anticommuniste du régime de Vichy. Je citerai un cas bien connu, le cas d'un grand résistant qui est Henri Freinet. Dès 1940, il s'engage dans la lutte, mais jusqu'en 1941, même 1942, il a des contacts avec Vichy, et il reconnaît d'ailleurs honnêtement dans ses mémoires, il trouvait que la Révolution nationale, c'est très bien. Et donc, pour ces résistants qui viennent de droite, voire d'extrême droite, parce qu'il y en a plus qu'on le croit souvent, eh bien pour eux, la révolution nationale, c'est très bien, mais il faut d'abord mettre les Allemands dehors, et puis ensuite, on fera cette révolution nationale en France. Donc vous voyez, il y a cette question-là. Alors, dernier élément important, il y a aussi la volonté de transgression. Résister, c'est transgresser l'ordre établi. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on s'est interrogé, est-ce qu'il faut parler de dissidents pour les premiers résistants ? C'est d'ailleurs ainsi que les vichistes qualifient les gaullistes et les Français libres qui sont en Angleterre. Hein, donc dissidence, hors la loi, etc. Il y a cette volonté de rupture, de transgression avec l'ordre établi qui est tout à fait fondamental dans cet engagement. Alors sur les valeurs, c'est bien sûr lié à la culture politique des uns et des autres. Je le disais qu'au niveau régional, ça peut jouer un rôle. Et donc, les raisons de l'engagement peuvent aller de l'engagement communiste pour, et au moins au début, pour beaucoup de résistants communistes, il s'agissait en fait non seulement de libérer le pays à partir du moment où il s'engage clairement en résistance, mais aussi de faire une révolution de type socialiste. Pour les gens de culture républicaine, et notamment des gens de gauche, des républicains, il s'agit de restaurer la République qui a été renversée en 1940, et donc de mettre fin à ce régime de Vichy. Pour des gens de droite, ça peut être pour des raisons patriotiques, contre l'Allemand, contre le Bosch, mais sans que pour autant, encore une fois, on remette en question un certain nombre d'idées mises en place par ce nouveau régime pétiniste. Donc vous voyez, tout ça est important, sachant qu'il est évident que le combat est mené contre l'occupant et aussi, et souvent assez rapidement dans notre région, contre le régime de Vichy, avec comme objectif de déboucher sur la lutte armée. Et la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand se fait l'entrée en lutte armée. Pour les communistes, c'est très clair, c'est à partir de l'été 1941 où ils basculent dans la lutte armée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de résistance communiste avant l'été 1941, mais là, c'est une stratégie tout à fait claire. Pour d'autres mouvements, d'autres organisations, eh bien, ce sera beaucoup plus tard et il faudra attendre le jour J, le débarquement, pour que les forces françaises de l'intérieur se soulèvent pour aider à la libération du territoire. Avec dernier élément un petit peu compliqué, mais c'est un domaine sur lequel nous travaillons aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle, ces gens qu'on appelle les vichisto-résistants. Des gens qui donc ont pu être très engagés du côté de Vichy, mais qui en même temps, parce qu'ils étaient très anti-allemands, ont pu s'engager précocement en résistance. Nous avons beaucoup de cas en Bretagne d'hommes de droite, et au moins deux dans cette région que je citerai, hein, qui ont été des partisans révolus et assurés de la Révolution nationale. C'était le député élu en 36 de Quimper, Nader, d'une part, qui dès 41, alors qu'il était à fond pour le régime de Vichy et qui prenait une revanche sur les communistes, se faisant nommer par exemple maire de Concarneau par le régime de Vichy, eh bien Nader, dès 41, participe à un réseau de Johnny, et il est assez rapidement arrêté et déporté en Allemagne. Deuxième exemple, le cas aussi d'une personnalité politique importante du Finistère, Jean Crouan, maire de Kerménévin, pas très loin d'ici, là. Kerménévin, pardon. Je ne suis pas bretonnant. De la presqu'île de l'entrée de la presqu'île de Crozon. Eh bien, Jean Crouan, élu député de droite en 1936, très à droite, proche du PSF, tout à fait favorable au régime de Vichy. Il a été nommé conseiller national de Vichy. Il a été reçu par le maréchal en 1942, donc partisan du régime, mais dès le départ anti-allemand. Et donc, il s'engage aussi dans l'accueil d'un réseau d'évasion d'aviateurs alliés tombés dans le centre-Bretagne. Et il est arrêté, condamné à mort par les Allemands à la fin 1942. Bon, Vichy obtient quand même sa grâce. Il est déporté, hein, et il reprendra une carrière politique à la Libération. Il a d'ailleurs été pendant un certain d'années, je crois, président du Conseil général du Finistère. Donc là, nous avons des cas typiques de vichisto-résistants. Or, il y a encore 15 ou 20 ans, ce type d'approche-là en histoire n'était pas accepté, par exemple, par les spécialistes d'histoire de la résistance. En gros, c'était ou on est résistant ou on est vichyste et collabo, mais on ne peut pas être finalement les deux à la fois. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer la complexité un petit peu des choses. Alors, autre exemple, autre question un peu difficile. Quel statut donner aux parlementaires français qui, le 10 juillet 1940, ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain? Je vous rappelle, c'est quand même une assemblée de gauche qui était élue en 1936. Il y a aussi pas mal de sénateurs. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les communistes, on ne peut pas les accuser de cela, puisqu'ils ont été interdits depuis septembre 1939 pour cause de pacte germano-soviétique. Et puis, un ensemble d'entre eux sont en prison. Et puis, il y a un ensemble d'autres absents. Donc, vous le savez, 580, je crois, 570 députés et sénateurs votent les pleins pouvoirs. Il y en a 80 qui votent contre les pleins pouvoirs et 20 qui s'abstiennent. Alors, pendant longtemps, dans les ouvrages d'histoire, on considérait que les 80, non, étaient les premiers résistants de France. C'est plus compliqué que ça. Disons tout de suite que sur les 80, il y a 7 Finistériens. Tous les autres parlementaires bretons, il y avait 50, 57 ou 58, je ne sais plus, tous les autres qui étaient présents ont voté oui, de gauche comme de droite, socialistes, radicaux-socialistes et surtout de droite, puisqu'il y avait une majorité de droite élue en 1936 en Bretagne. Sur les 7 Finistériens, c'est quand même assez extraordinaire, vous avez 6 députés et un sénateur. 6 députés, vous avez, j'ai commencé par ceux du pays, je crois qu'on est ici dans le lieu qui rend hommage à son père, vous aviez Albert Le Baille, radical-socialiste, le fils de Georges Le Baille. Vous aviez pas très loin le maire d'Esquibien, Jean Perrault, deux radicaux socialistes, les deux seuls élus d'ailleurs dans le Finistère. Vous aviez les deux socialistes, Tanguy Prigent et Jean-Louis Roland. J'ai consacré une biographie à Tanguy Prigent, donc je connais bien son parcours. Vous aviez les deux députés démocrates chrétiens, démocrates populaires, Paul Simon et Trémaintin. Et vous aviez enfin le sénateur-maire de Brest, Le Gorgeux, radical, mais radical plutôt de centre-droit, pas tellement radical de gauche. Il s'était battu, il avait d'ailleurs pris la mairie de Brest aux socialistes en 1929. Donc là, vous avez 7 7 parlementaires qui ont dit non à Vichy, au plein pouvoir au maréchal, et qui se sont tous engagés dans la résistance par la suite. Mais quand on étudie le parcours des 80, et notamment mon collègue Olivier Viorca l'a fait, c'est pas aussi évident. Il y a certains parlementaires qui avaient voté non à Vichy et qui se sont ralliés au régime après. Et en revanche, vous avez beaucoup de parlementaires de gauche ou de droite qui avaient voté oui dans la débâcle de 1940 et qui pensaient que le maréchal pouvait aider à sauver le pays et lui faisaient confiance et qui ensuite, très tôt, se sont engagés en résistance. Je pense par exemple au cas d'un député radical des Côtes du Nord, Serrandour, qui dès 1941 crée et développe un réseau de renseignements. Donc vous voyez, il ne faut pas s'arrêter seulement à l'événement, il faut aussi essayer de réfléchir dans la durée. Alors pour comprendre encore l'entrée en résistance dans cette région, il y a plusieurs éléments qu'il faut rappeler. Je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, c'est, même si les chiffres ont été discutés, c'est 120 à 125 000 morts pour les 5 départements bretons. Ce qui veut dire que dans chaque commune, à Plozévet et ailleurs, vous aviez le monument aux morts avec la liste de toutes les victimes de la guerre 14-18. Comment peut-on penser, comme on l'a fait dans les années 70, que tous les Français étaient en fait pour la collaboration, étaient prêts à se coucher devant l'occupant, etc. Si vous voulez, le traumatisme de la guerre 14-18, il est présent dans chacune des familles. Ce qui ne veut pas dire qu'on est résistant pour autant. Mais le souvenir, le rejet du Boche, c'est évident. Et aujourd'hui, on a travaillé sur les archives des préfets partout en Bretagne, je l'ai fait, mais partout en France. Immédiatement, il y a un rejet de l'occupant allemand. C'est clair. Il y a même une formule extraordinaire que je cite toujours, que j'ai trouvée dans un rapport de sous-préfet de Châteaulin, où un étudiant ou une étudiante avait trouvé en travaillant sur le rapport du sous-préfet de Châteaulin en 1942, où il crée un néologisme, où il parle, lui, non plus de germanophobie, il parle d'occupantophobie. Je trouve un texte, un terme que j'aime beaucoup, qui vous montre bien l'état d'esprit des Finistériens et des Bretons à ce moment-là. Bon, premier élément. Deuxième élément, faut quand même pas oublier que la défaite, c'est 1 600 000 morts. 1 600 000 prisonniers, excusez-moi. Les morts, c'est beaucoup moins que ça. C'est autour, là aussi, on a dit longtemps 92 000 morts. On serait plutôt aux alentours de 70 000 morts de la campagne de France, mais c'est quand même déjà beaucoup. Donc, 1 600 000 prisonniers de guerre transférés en Allemagne. Pour la Bretagne, c'est 137 000 prisonniers de guerre. Alors, je vous avais apporté, parce que c'est le travail d'une étudiante sur les prisonniers du Finistère. Elle a trouvé un fichier, elle a analysé un fichier du nombre de détenus en Allemagne en 1941. Et je vais d'abord vous donner une idée de la proportion avec ce tableau. Vous voyez, pour le Finistère, il y avait un peu plus de 30 000 prisonniers de guerre détenus en Allemagne pendant la plus grande partie de la guerre. Bon, évidemment, quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est détenu en Allemagne, qui est prisonnier en Allemagne, en dépit de la propagande de Vichy en faveur des prisonniers, vous imaginez bien que plus grande partie des gens ne porte pas l'occupant dans leur cœur, ce qui va de soi. Alors, si vous regardez les chiffres, ça représente près de 4% de la population finistérienne. Donc, si vous rapportez ça aux hommes, c'est à peu près le double. Et si vous rapportez ça aux tranches d'âge, vous voyez ce que ça peut représenter. Quand on compare avec d'autres départements, vous voyez que la situation est comparable dans le Loiret. Bon, la moyenne nationale, c'est 3,80%. Et puis, il y a d'autres départements, la Seine, la région parisienne, etc., qui sont beaucoup moins touchés. Alors, cette étudiante, elle avait fait un travail, puisqu'elle avait eu le fichier commune par commune, et elle a cartographié le pourcentage au niveau des communes des prisonniers de guerre dans ce département. Alors, vous voyez, plus c'est foncé, là où c'est le plus rouge, c'est une grande commune du sud Finistère, je ne sais pas trop d'ailleurs, puisque je n'ai pas la correspondance du côté là, de, je ne sais pas si c'est Banalec ou c'est Sker, la grande commune, là, vous voyez, c'est plus de 8% des hommes qui sont faits prisonniers. Alors, vous voyez, apparemment, le Léon a été beaucoup moins touché. Le sud Finistère, hein, la Cornouaille, est beaucoup plus fortement touché. Enfin, je ne sais pas, là, vous devez reconnaître tout de suite la commune de Plozévette. On doit être dans les 2 à 4% ou 4... Dans la tranche, ou 4-6%. Bon. Donc, si vous voulez, je ne vais pas insister sur la question des prisonniers de guerre, mais vous comprenez bien que ça pose problème. Troisième élément, vous le savez, la Bretagne, et comme le reste du nord de la France, est en zone occupée. Et donc, ça veut dire qu'on subit, je cherche une carte aussi de cette occupation, ça veut dire que dès l'été 1940, la région subit cette occupation allemande. Bon, je ne vais pas vous présenter ici les zones, mais vous voyez que la Bretagne est complètement concernée. Qu'en outre, très rapidement, les Allemands vont créer une zone interdite, une zone côtière interdite, ce qui signifie qu'il fallait des Ausweis particuliers pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la zone. Zone étendue en 1942, hein, vers l'intérieur de la péninsule, ce qui fait que la plupart des villes de la région sont concernées par ces contraintes. Alors, je vous avais apporté ici, s'il y a des gens qui ont vécu la période, ça vous rappellera sans doute des choses. Je vous ai rapporté ici quelques photocopies transparents des Ausweis indispensables. Bon, là, il s'agissait d'un médecin de Rostronin, hein, bilingue, ou pour une voiture de la défense passive, pour avoir le droit de circuler, hein, avec à la fois le tampon nazi et le tampon de Vichy, la Francisque de Vichy. Donc, toutes ces contraintes et la présence massive des Allemands dans la région fait que c'est évidemment pas de gaieté de cœur que on subit cette occupation. Ceci pour dire que, précisément, à cause de ces interdits de plus en plus rigoureux, le couvre-feu, les sanctions quand des incidents ont pu éclater ici ou là, fait que la vie quotidienne est de plus en plus difficile, sans oublier non plus les pénuries, avec tout ce que ça implique, le marché noir, les difficultés de ravitaillement, etc., etc. En outre, dès leur arrivée, les Allemands ont désigné dans les villes et dans les communes des listes d'otages. Des otages qui sont arrêtés au premier incident. Au départ, les otages, ce sont des notables. En général, le maire de la commune, les élus, le curé, voire des grands notables, ça peut être le notaire, l'avocat, etc. Et donc, dès l'été 40, au moins deux exemples en tête dans le Finistère, mais il y en a sans doute d'autres, Tanguy Prigent, dans sa petite commune de Saint-Jean-du-Doigt, est arrêté trois semaines parce qu'il y a eu des sabotages, sans doute un fil téléphonique de sectionné sur sa commune. Premier exemple. Deuxième exemple, le cas de Trémaintin, qui était élu, je crois, de Plouescat dans le Léon, qui lui aussi a des ennuis parce que il y a eu des incidents. Au dernier exemple, cas que je connais bien, puisque j'ai enseigné dans ce lycée pendant longtemps à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, Côte du Nord de l'époque, dès septembre 40, il y a eu des affiches allemandes de lacérer. Immédiatement, les notables sont emprisonnés pendant quelques jours. Donc, cette politique des otages est appliquée immédiatement. Elle a pour but de terroriser la population et d'empêcher toute réaction. Enfin, disons-le, je pense que c'est l'un des premiers fusillés bretons, sinon français, parce qu'il n'entre jamais dans aucune statistique. Et pendant longtemps, de nombreux départements ont voulu avoir le premier fusillé de France. Eh bien, dans le Nord Finistère, quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Kerandel a été fusillé le 28 juin 1940. Pourquoi ? Il y a eu un avion allemand qui avait dû être touché au moment de l'arrivée des Allemands. Les Allemands sont arrivés, je ne l'ai pas rappelé, à Rennes à partir du 18 juin, du 19 juin à Brest, aux portes de Brest le 19 juin, et la Bretagne est occupée entre le 19 et le 23 juin. Donc un avion allemand est tombé à Plouguerneau. Les paysans du coin sont venus pour capturer les aviateurs parce que la région n'était pas encore occupée, les Allemands n'étaient pas encore arrivés dans cette zone-là. Paraît-il que l'un des aviateurs a été bousculé par les gens du coin et deux ou trois jours après, les Allemands reviennent, font une rafle, arrêtent un centre d'hommes et l'un des aviateurs dit bah, « c'est lui qui m'a bousculé », ce qui semble-t-il était faux d'ailleurs. Et donc Jean-Marie Kerandel, je crois 58 ans, père de famille nombreuse, fusillé à Brest le 28 juin 1940. On ne peut pas parler d'acte de résistance. On peut parler d'une répression immédiate de l'occupant. Et les premiers fusillés pour acte de résistance ou pour rixe ou problème avec des officiers avec ou des soldats allemands interviennent très tôt. Il y en a plusieurs dans le Finistère. Dans les Côtes du Nord, c'est dès décembre 1940. C'est quelqu'un de Dinan. Il y a un cas aussi dès l'automne 40 à Rennes. Et là, c'est un cheminot qui a saboté un matériel ferroviaire. Donc immédiatement, il y a cette terreur-là qui se met en place. Alors c'est dans ce contexte aussi qu'il faut préciser que de Bretagne, au moment où les Allemands arrivent, et c'est important pour la suite, au moment où les Allemands occupent la région, sans rencontrer la moindre résistance, des centaines de bateaux, sans doute, quittent les ports bretons et emmènent vers l'Angleterre à la fois des soldats anglais ou français qui se replient sur l'Angleterre, mais emmène aussi beaucoup de jeunes gens qui déjà veulent continuer la guerre. Et parmi ces partants, nous avons souvent des gens très jeunes qui vont s'engager dans les forces françaises libres. J'ai un cas précis en tête, il y a plusieurs départs de la région de Logivie et Paimpol dans les Côtes du Nord. Il y a le cas des frères Montjarret qui vont s'engager dans les forces françaises libres. L'un d'entre eux sera le radio de Jean Moulin, parachute avec Jean Moulin, dans le Midi en 1942, Hervé Montjarret. L'autre, son frère, fera la guerre dans les FFL et il sera d'ailleurs élu en 1946 député MRP, démocrate chrétien du département. Mais du Finistère, de nombreux bateaux partent. Et évidemment, étant ici, tout près de l'île de Sein, je ne peux pas oublier le cas emblématique hein, des Sénans qui quittent entre le 19 et le 22 et le 20, ou 24 juin, hein, 5 bateaux quittent donc l'île, emmenant avec eux 130 ou 131 hommes, dont 137 même, dont 129 vont s'engager dans les forces navales, enfin quasiment tous dans les forces navales françaises libres, avec, vous le savez, la fameuse formule du général de Gaulle au début juillet 1940 à Londres, mais Saint, c'est le quart de la France. Hein, la formule est célèbre. C'est vrai, quand on prend les chiffres de l'époque, il n'est pas très loin de la réalité, et ça a été confirmé par beaucoup de travaux et par le témoignage notamment de Daniel Cordier dans ses mémoires récents. Donc, de Bretagne par des milliers d'hommes, et je parlerai tout à l'heure de la place considérable des Bretons et des Finistériens dans les forces françaises libres, dans les FFL, puisque c'est la région de France, on va le dire tout de suite, la plus représentée, la mieux représentée, et de très loin. On a eu une thèse tout à fait intéressante là-dessus qui le démontre, on le savait déjà, mais chiffres à l'appui, récemment.